bouche les petites fesses. Elle est amoureuse, elle est belle comme une déesse. Elle est amoureuse, qu'elle en oublie tous ses ennuis. Elle est amoureuse, elle dit qu'elle aime trop la vie. Elle est amoureuse, tout le monde lui dit qu'elle est belle. Elle est amoureuse, qu'elle trouve même belle les poubelles. Dans les bars en devoir à toute allure comme un train qui déraille.